Dans ma tête, j'ai plus d'espoir. Je te vois et ma vie vire dans tes bras. Je ne veux plus tourner de page. Ne t'en va pas. Quand l'amour souffle, il emporte les gens. J'attendais mon tour contre le vent. Mais depuis ton tout premier regard, j'ai trop de mal.